قال المؤلف عليه رحمة الله باب تخيير الرجل زوجته في البقاء أو الفراق وأن ذلك لا يعتبر طلاقا. Chapitre, le fait que l'homme, que l'époux demande, le fait que l'époux demande à son épouse de choisir entre le fait de rester avec lui, marié, ou le fait de se séparer de lui, avec un divorce à l'amiable. Le fait qu'il lui demande d'accomplir ce choix, ça ne veut pas dire que il la divorce. Ma foi, c'est pas parce qu'il lui demande de faire un choix que ça veut dire automatiquement que à partir de là, elle est divorcée. Là, ma foi, madame, c'est compris, ma foi, hein? طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي. Donc le hadith de Aïcha où elle dit que lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a été ordonné de nous demander de choisir. Qui a ordonné le prophète, Ikhwan? Allah Azza wa Jal. Naam. ومن يعرف هذه القصة؟ Qui connaît ce récit? Et pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام a été ordonné de demander à ses épouses de choisir entre le fait de rester avec lui ou de se séparer? Elle n'a pas le même statut que les autres croyantes. C'est la mère des croyantes, elle leur a demandé soit elle restait avec lui et se mariait, c'était définitif, elle ne pouvait pas se remarier, soit elle divorcé et vivait comme les autres femmes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal ce que vous avez dit, Hadj Ahmed. Lakin, c'est incomplet, oui. C'est incomplet. Parce que Bilachak, que ce que vous dites là, c'est le résultat du choix, de la demande, de choisir. C'est-à-dire que si elles choisissent, après cela, ben... forcément, leur rang, l'honorabilité des femmes du prophète alayhi salatu wasalam va être affirmée et appuyée par le choix qu'elles ont fait. Là, on veut savoir pourquoi le prophète alayhi salam il leur a demandé de choisir. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné au prophète de demander de choisir. C'est quoi l'histoire? Surat al-Mujadala. Là. Ah, Abba Zakaria. Non. Allah alam, hein? Masha'Allah. Moussa. Non. Allah alam, hein? Taïb. Le sabab, c'est que un jour, Abu Bakr, il s'est présenté au prophète, alayhi salatu wassalam, alors que bon nombre de gens venaient se présenter au prophète sans que lui ne leur donne l'autorisation d'entrer. Et les gens ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wasalam, il ne veut pas sortir, il ne veut pas qu'on entre, qu'on le voie. Abu Bakr, il s'est présenté au prophète, alayhi salatu wasalam, fasta'adhanahu wa adinala. Il a demandé la permission d'entrer, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a donné la permission d'entrer. Et lorsqu'il est rentré, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam assis et autour de lui toutes ses épouses. Et aucune de ses épouses ne parlait, ni le prophète alayhi salatu wassalam ne parla. Taïb. Ensuite, Omar dja. Omar il est venu et il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam la permission d'entrer. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné la permission d'entrer. Omar, il a vu la même situation qu'a vu Abu Bakr. Et lorsqu'il a vu que l'atmosphère était un peu tendue, il s'est dit, ah, je vais dire une chose qui va détendre l'atmosphère. Je vais dire une chose qui va faire rire le prophète, alayhi salatu wassalam. Faqal ya Rasulallah, bint al-Haritha, tas'alni al-Nafaqa, faqumtu fi'unaqiha. Donc il a dit, ô prophète d'Allah, la fille de Al-Haritha, c'est-à-dire son épouse, elle m'a demandé des dépenses. Dès qu'elle m'a demandé ça, je me suis énervé, je l'ai agrippé par son cou. Fadhahika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, dès qu'il a entendu ça d'Omar, il a rigolé. Il a rigolé, après il a dit à Omar, فهنا يسألني النفقة. Et donc, c'était sa femme, il a agrippé sa femme. Oui, ah, il a agrippé sa femme. En fait, il a dit au prophète que sa femme, elle était en train de lui demander des dépenses, de qu'il lui donne de l'argent ou là. Tamam. Et lorsque il lui informe de ça, il dit, dès qu'elle m'a dit ça, je l'ai agrippé à son cou. Tamam. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il a rigolé. Ensuite, il a dit à Omar, ces femmes qui sont là autour de moi, elles me demandent la nafaqa. Quand il a dit ça, Abu Bakr, il a attrapé sa fille. Et Omar, il a attrapé sa fille. Et ils leur ont dit, est-ce que vous demandez au prophète d'Allah des dépenses qu'il ne peut pas assumer? Et elle de répondre et de dire, on ne lui demande pas une chose qu'il ne peut pas faire. Une chose qu'il ne peut pas nous donner. Et donc après cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est détourné de ses épouses, de toutes ses épouses pendant combien de temps, Yahya? Hein? Un mois? Naam. Pendant 29 jours. Bidhaf. Ou un mois selon certaines versions. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné d'elle pendant ce mois-là, et c'est là que les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont descendus pour qu'il leur fasse choisir, qu'il leur demande de choisir entre cette dunya ou entre le fait de rester avec lui, d'avoir l'agrément d'Allah, de son messager, et d'avoir la demeure dernière, la plus noble. Non. Donc ça, c'est l'histoire de ce récit. ونعم دونك عائشه دي لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير ازواجه بدا بي دونك le prophète il a commencé par demander l'avis de Aïcha. C'était la femme la plus aimée auprès de lui, donc c'est normal qu'il ait commencé par elle. فقال اني ذاكر لك او لك اني ذاكر لك امرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. Donc le prophète sallam il dit, je vais te parler d'une chose, mais surtout ne te précipite pas jusqu'à ce que tu consultes tes parents. Et هنا يعني نصيحة لطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم. Là, il y a un très beau conseil du prophète alayhi salatu wassalam vers son épouse Aïcha, qui lui demande de prendre l'avis de ses parents. Il faut savoir, Yahya, que les parents, pour la femme, surtout si ce sont des gens pieux, ce seront les meilleurs des conseillers pour elle. Fa'indahum al-khibra. De un, ils ont l'expérience. Wa al-khibra laha dawraha. Et l'expérience, elle a son importance, surtout dans les affaires de mariage. Wa kadhalika qalla an tajid man yuhibbuha akthar minhuma. Et aussi, c'est rare qu'on va trouver des gens qui aiment plus cette femme-là que ses propres parents, qui veulent plus son bien. فَبِلَا شَكَ أَنَّهُمْ سَيُوَجِّهُونَهَا عَلَى حَسْبِ مَحَبَّتِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ وَخِبْرَتِهِمْ فَهَذَا خَيْرٌ. Donc on comprend et on voit et on constate que le fait que la femme prenne comme conseiller dans des affaires importantes, surtout les affaires de mariage comme celle-ci, le fait qu'elle demande conseil à ses parents est une bonne chose. Surtout, surtout si ses parents sont des gens de bien. قالت قد علم أن أبوي لم يكون ليأمرني بفراقه. Et donc la Aïcha elle dit, mais certes le prophète il savait très bien que mes parents ils allaient jamais m'ordonner de me séparer de me séparer de lui. يا إخوان في الحقيقة هذه القصة نستفيد في معاشرة النساء كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جبارا. Et dans ce récit-là, il y a une leçon très importante. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'était pas un dominateur sur son épouse ou sur ses épouses. Au contraire, il ne supportait pas de maintenir une relation avec une femme qui n'en a pas envie. بخلاف كثير من الناس اليوم إذا رأوا من أزواجهم الكره وأنها ما تطيق وأنها ما تتحمل لابد يبقيها. Et ça c'est contraire au fait de certaines personnes de notre époque qui lorsqu'ils voient de leur épouse qu'elle ne supporte plus le fait de rester avec eux, ils ont tout tenté, ils ont essayé toutes les solutions, ma fille, elle supporte plus, elle supporte plus. Non. Lui, il veut pas, il veut qu'elle reste tahta, sous son autorité, il a l'abad. Là, ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, qul wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de cohabiter avec nos épouses d'une bonne manière. Si ta choc, si cela est dur avec, si cela est dur pour elle, quand on dit dur, yani c'est vraiment khalas. On a essayé tous les remèdes, tous les moyens. Ma fille, khalas ya akhi. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati. Wa kana Allahu wasi'an hakima. S'ils viennent à se séparer, Allah subhanahu wa ta'ala peut enrichir les deux de par sa largesse. Na'am. Donc le prophète alayhi salatu wa salam khayyarahum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a laissé le choix. Il leur a laissé le choix. Et aussi, on voit dans ce hadith, ya ikhwan, que la femme, elle peut acculer le mari sur des choses sur lesquelles elle ne va peut-être pas se rendre compte. Parce que les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, ce sont les plus pieuses des femmes. Elles ne se sont pas rendues compte que le fait de demander cette nafaqa au prophète, alayhi salatu wassalam, ça allait le mettre dans la gêne. Sinon, elles ne l'auraient jamais fait. لِأَنَّ غَضَبُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَبِّبْ غَضَبُ اللَّهِ. Donc, parce que la colère du prophète, alayhi salatu wassalam, entraîne la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc, si elle savait que le fait de demander un rajout de dépenses au prophète, alayhi salatu wassalam, ça allait entraîner cela, elle n'aurait jamais fait. لَكِنْ الْمَرْأَةَ هَكَذَا يحتاج إلى صبر ومصابرة والنبي صلى الله عليه وسلم هل كان غير قادر على إعطائهن؟ Est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام au moment où ils lui ont demandé, est-ce qu'il n'était pas capable de leur donner ce qu'elles ont demandé comme bien? Ah, Hadj Ahmed, il n'était pas capable, c'est pour ça. Il était capable de donner, mais manière. Aïwa, n'aim. C'était pas dans فخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. فاختار أن يكون نبيا أو عبدا نبيا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, on lui avait déjà demandé. On lui avait déjà demandé de faire un choix. Est-ce que tu veux être un roi prophète ou un serviteur prophète. Il a choisi d'être un serviteur prophète. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il avait les moyens de donner à ses épouses ce qu'elles demandent. Il avait les moyens. Lakin, il a voulu les éduquer et leur faire savoir que cette dunya-là, hadi, ma yuridu. Wala yarghab fiha. Il a voulu les éduquer, leur donner une éducation sur le fait que cette dunya, lui, il ne l'avait pas. Naam. Ou fil haqiqa, Juan, c'est un grand dars. Ce récit-là, c'est un grand dars. Fa al-haya al-tayyiba la yastalzim الأموال والدور الفاخرة والقصور وغير ذلك. La bonne vie, celle qui est emplie de baraka, de bénédiction, elle n'implique pas forcément que ce soit que tu vives dans une bonne demeure, que tu vives dans une aisance, tant dans les biens qu'autre chose. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة. celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, tant qu'il est croyant, on va lui faire vivre une bonne vie. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit la narzuqanna. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit on va lui donner de la subsistance. Elle est là. لنحيينه حياة طيبة. On va lui faire vivre une bonne vie. نعم. وقد تكون الحياة طيبة مع الفقر والجوع. Et il se peut que la bonne vie elle soit avec la pauvreté et la faim. Il se peut que la bonne vie elle soit avec certains soucis, certains aléas. Le prophète عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يخرجه في الليل الجوع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, la faim le faisait sortir de chez lui en pleine nuit. La faim. Il sort de chez lui à la recherche de quelque chose à manger, tellement il avait faim. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il sort, il tombe sur des compagnons qui avaient faim aussi comme lui, qui sont sortis pour à la recherche de nourriture. وهؤلاء أبو بكر وعمر. نعم. فيا إخوان هذا الدرس على أن الدنيا لا تكون في القلب. إياكم ويانا أن نجعل الدنيا في قلوبنا. Donc c'est un درس qu'on prenne garde, surtout les femmes, que l'on ne place pas cette dunya dans nos cœurs. لكن الدنيا في اليد. La dunya elle doit être dans nos mains et pas dans nos cœurs. متى ما نريد نعطيه. Dès qu'on a une possibilité, on donne. Si elle est là, si on a une quelconque aisance ou quoi, alhamdulillah. Mais c'est dans les mains et c'est pas dans le cœur. Ça c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. فكم من نساء يشتكين على أزواجهن. Combien de femmes peuvent se plaindre à leurs époux? Et des fois, peut-être elles ne peuvent pas se rendre compte que cette plainte-là va susciter dans le cœur de l'époux du qalaq ou le humum. Et c'est pourquoi Khadija, elle a été préférée, selon certains savants, aux autres épouses du prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que jamais, au grand jamais, on nous a rapporté d'elle une quelconque plainte qu'elle a pu faire au prophète alayhi salatu wa salam. Bal kanat ma'ahu wa waqafat ma'ahu fi jami' al mawaqif al sharifa. Mais au contraire, Khadija, elle est restée avec le prophète alayhi salatu wa salam dans toutes les situations qu'il a pu vivre jusqu'à sa mort. Hatta lorsqu'ils ont été pris d'embargo. Combien de temps ils sont restés hier, quoi? Dans un embargo chadid. à peu près 3 ans. Et après cet embargo-là, ou dans cet embargo-là, c'est là qu'elle a trouvé la mort, Khadija. Khadija wa kadalika Abu Talib ba'da. Non. Taïb, il reste encore du temps, il y a quoi? Oui. Kadalik, on voit dans ce récit aussi le mérite des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Elles auraient pu choisir la dunya. Lakin ikhtarna Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhir. Malgré tout, elles n'ont pas choisi cette dunya. Elles ont choisi Allah azza wa jal. Elles ont choisi le prophète alayhi salatu wassalam et elles ont choisi les hautes demeures du paradis. Ça c'est un dars, il y a quoi? Ça c'est un dars. Khasatan les nissa. Surtout pour nos sœurs. Na'am. Fa la hayat at-tayyiba laysa bi kathrat al-amwal wa la bi jamal ad-dur wa la bi shay min dhalik. Al hayat at-tayyiba bi ta'at Allah. بالإيمان بالتربية الصحيحة بالقرآن والسنة وبالصلوات بيت لا يقرأ فيه القرآن حتى وإن كانت كيلومتر على كيلو ممسي الفزياء كيلومتر كاري إن ميزون دون لكيلون لبا القرآن ما فيها بركة ما فيها خير. Le bien de cette maison-là est limité, très peu, très faible. Tandis qu'une maison comme la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, et la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, celle qui posait avec Aïcha, elle n'est pas plus grande que d'ici au pilier. Hein, d'ici au pilier, jusqu'au niveau de Akhouna Abdallah. Aucun n'y riche fi hada. Ou rubama askhar. Rubama askhar. Ou y riche fi hada. مع عائشة وكانت حياتهما طيبة ولا لا؟ إلى فيديو النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة هل هي طيبة ولا لا؟ أكيد يزورهم جبريل خير الملائكة كيف ما تكون العيشة طيبة؟ جبريل il avait l'habitude de les visiter. نعم. Comment alors leur vie ne serait pas bonne. نعم. Il reste combien de temps précisément, Yahya Khouad? 10 minutes, hein. Taïd. Qala ba. On n'a pas terminé le hadith? Non. Taïd. Taïd. Thumma qala, inna Allah azza wa jal. قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Donc ça c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète عليه الصلاة والسلام de faire choisir ses épouses. Et il dit, selon une traduction approximative, « Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie de ce bas monde, ainsi que son embellissement, que vous recherchez, alors venez à moi, je vous accorderai des biens en quantité, et je vous libérerai d'une belle libération. » Et je vous libérerai d'une belle libération. « Kadalek, yustafad hona » أن الطلاق والفراق لابد أن يكون بغير المخاصمة وبشيء من الجميل. ولهذا كان الله عز وجل يأمر أن نمتع المطلقة بشيء من الهدية شيء من ذلك. Et c'est pourquoi donc là on prend ce verset que il est important que même celui qui veut se séparer de son épouse, qu'il pense à le faire de la bonne manière. Qu'il pense à le faire de la bonne manière et d'une manière honorable. Même. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré que la femme divorcée doit bénéficier de son mari qui la divorce d'un cadeau ou d'une chose équivalente à un cadeau. Naam. ثم قال يعني قال تعالى et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et si c'est Allah et son messager, selon une traduction approximative, et si c'est Allah et son messager que ainsi que la demeure dernière que vous voulez, alors certes Allah a préparé pour les bienfaisantes. Certes Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous hein, une grande récompense. Et là on voit encore que celle qui patiente في مرارة الحياة وضيق العيش مع زوجها لا سيما إذا كان ذا شأن كأهل العلم والطلاب العلم والعباد وشيء من ذلك فلها أجر عظيم عند الله. Et donc on peut prendre de ce verset que celle qui patiente face aux difficultés de la vie, hein, elle patiente sur son mari face aux difficultés de la vie, surtout si son mari Mada est quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal. فهذا سيرجع إليها بالخيرية. Ça c'est des choses qui lui reviendront en bien. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il dit aux femmes du prophète, si vous choisissez Allah Azza wa Jal ainsi que son messager et la demeure derrière, alors Allah a préparé pour les bienfaisantes. Allah a préparé pour les bienfaisantes. Wa ma huwa al-ihsan ya ikhwan? Al-ihsan ma huwa? Al-ihsan ya Abdallah, al-ihsan ma huwa? Allah a'lam. Rayan. Wain? Rayan sahibak hadha. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى أن تعبد الله كأنك ترى. فهكذا ينبغي للمرأة أن تعبد ربها كأنها يراه كأنها تراه. Et donc ça c'est des choses qui aident le fait d'adorer Allah عز وجل comme si on le voyait. فالصبر على ضيق العيش يسبب امورا كثيرا. Le fait de patienter sur des moments difficiles, des moments de pauvreté, que ce soit pour l'homme comme pour la femme, ça a de très bons il y a beaucoup de choses positives qui résultent. Voilà, ça a de très bonnes vertus. Naam. Fahada نبي الله عز وجل وقد ابتلي في هذا وصبر وهؤلاء أمهات المؤمنين. Donc ça c'est le prophète عليه الصلاة والسلام qui a été éprouvé de cette situation et il a patienté. Et ça c'est les mères des croyantes, les meilleures des femmes qui ont été éprouvées et qui ont patienté et qui ont fait le bon choix. نعم فعلينا أن نتبع هذا السبيل. نعم قال فقلت في أي هذا في أي طيب دونك عائشة دي après que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a cité le verset قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. Donc Aïcha a choisi Allah et son prophète et toutes les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام ont fait la même chose. نعم. وفي الحديث الآخر عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يَعُدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. Donc, et dans ce verset, dans ce hadith-là, précisément, il y a la parole qui nous intéresse. Aïcha, elle dit, on nous a demandé de choisir Le prophète nous a demandé de choisir et on a choisi Allah ainsi que son messager. Et ceci n'était pas compté comme étant un divorce. Tamam. Et ceci n'était pas compté comme étant un divorce. طيب بابو إذا طلقت المرأة أو إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا فليس لها نفقة ولا سكنة. هذا قد مر بنا أصلا. La femme qui est divorcée a-t-elle droit à ce que son mari ou son ex-mari la loge et lui accorde une quelconque comment on appelle ça, la nafaqa, pension, une quelconque pension. Ah, Hadj Ahmed. Allah alam. Il y a des exemples où il doit la loger, il doit lui verser une pension s'il y a un enfant en bas âge. Il doit la loger, il doit lui verser une pension s'il y a un enfant en bas âge. Qui dit mieux? Il n'est pas obligé. Quand tu parles du quand le divorce est effectif ou. Ou avant ou après. Non, j'ai pas compris. Toi, tu parles de quand il a prononcé le divorce. Déjà, il faut savoir ça. Toi, tu parles de quand la période allait passer. Déjà, il faut savoir ça. Est-ce que le divorce, là, on parle d'un divorce catégorique ou est-ce que c'est un divorce où il peut la récupérer. Si c'est un divorce où il peut la récupérer, alors là, il lui est obligatoire de lui donner une pension et de la garder sous la demeure conjugale. Tamam. Maintenant, si c'est un divorce, comme là il est question, si c'est un divorce, c'est-à-dire le troisième, est-ce qu'il doit lui donner un logement et une pension? Si c'est lequel? Le troisième, après le troisième divorce. Tu parles si c'est wajib ou si c'est pas obligatoire sur lui. Est-ce que c'est obligatoire pour lui qu'il la loge et qu'il lui donne une pension? Elle n'a plus aucun droit. Tamam, elle n'a plus aucun droit. C'est pas obligatoire pour lui qu'il la loge. Ni qui lui donne une pension. Maintenant, si elle est enceinte. Juste à ce que tu as dit, donc, si c'est un divorce, donc l'équipe peut la reprendre. Ouais. Il doit la garder dans le domicile conjugal. Ouais. Pendant la ridda. Ouais, pendant la ridda, ouais. C'est tout. Hey, Naam. Hey, Naam. Ahsan. Pendant la période de viduité. Pendant la période de viduité, ouais. Elle reste dans le foyer conjugal comme si de rien n'était. Taïb, mais si elle est enceinte, Ikhwan, si elle est enceinte, elle a le droit à une nafaqa en fonction, ça sera une nafaqa pour l'enfant. Tamam. Ah, c'est l'heure du débat. S'il y a des questions, Ikhwan, on les prend en rapide, Inch'Allah. Si une personne est interdite, parce que de nos jours, c'est pas tout le monde qui respecte la période de viduité, on va dire que les gens divorcent leur femme, et la femme elle part directement. Il a, vu que c'est obligatoire pour lui de lui donner le logement et la nourrir, il prend un péché du coup. Si la femme elle part, si non, la l'homme qui dit je te divorce, c'est le premier divorce, ouais. Et il veut plus qu'elle reste chez lui. Il veut plus qu'elle reste chez lui. Non, en gros, je t'ai divorcé. Voilà, c'est lui qui divorce sa femme et c'est le premier divorce. Et il l'a fait sortir de la maison. Il prend un péché, Naam. Il prend un péché, wahada dhulm. Parce que ça fait partie de ses huquq. Ça fait partie de ses droits à la femme qu'elle reste dans le foyer. Et ça fait partie de ses droits qu'elle bénéficie de la pension. Non seulement elle reste sous le toit, mais aussi il se doit de dépenser pour elle. Il y a d'autres questions, Yohan? Pas de questions? J'ai une question. Tout à l'heure, quand tu as dit les preuves sérieuses, il s'est détourné ses femmes pendant 29 jours. Là. Ouais, clair. Parce qu'elles ont demandé des dépenses. Ouais. C'est pas des situations qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'est on cause plus tard à notre femme, si on faisait un autre. Taïb, très bonne question de notre frère Mohamed. Le prophète, alayhi salatu wasalam, donc il s'est détourné de ses épouses, c'est-à-dire au lit. Tamam. Il s'est détourné d'elle, il leur a fait le hajj. Il leur a fait le hajj pendant un mois. Taïb. Donc le frère lui demande, est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, celui qui a un problème avec son épouse quelconque, un problème quelconque, ou le même problème que le prophète, alayhi salatu wasalam, a eu, est-ce qu'il peut agir de la sorte? الظاهر أنه نعم الظاهر أنه نعم le sens apparent enfin ce qui est apparent c'est que c'est une possibilité le fait de vrai comme cela ça reste la guidée du prophète عليه الصلاة والسلام لكن si la femme elle revient avant les 30 jours فلابد من المراجعة إلى ما كنتم عليه نعم. Et le fait que le prophète, alayhi salatu wasalam, il est demandé à ses épouses de choisir. Est-ce que ça, c'est spécifique au prophète, alayhi salatu wasalam? C'est-à-dire, est-ce que c'était... Parce qu'on a vu que c'était une obligation. Allah, il a obligé le prophète, alayhi salatu wasalam, à demander à ses épouses de choisir. Est-ce que ça, c'est spécifique au prophète, alayhi salatu wasalam? Ou ça englobe aussi les croyants? De laisser le choix à la femme si elle a si t'as pas les moyens de voilà non. Par exemple t'es avec une personne qui te demande ou qui nécessite une certaine situation ça englobe tout le monde donc ça veut dire que c'est une obligation de demander à la femme de choisir. Lui, il a le lien direct. Ouais, ça c'est khas bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet ordre-là, là, il a été donné spécifiquement au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui veut choisir, qui veut faire choisir son épouse ou quoi, il est en droit, mais c'est pas obligatoire. Ça c'était obligatoire pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais ça n'est plus pour ceux qui viennent après lui. Comme ça, ça après, chacun il peut servir de cet argument, tu vois. Il veut pas acheter un truc, il dit choisis soit Dunia, soit Akhira. Non, non, après, c'est vrai que Ahsan et Mohamed, chacun il peut servir de cet argument pour dire ouais. Par exemple, sa femme elle vient, elle lui demande, je sais pas moi, elle demande un truc basique, hein, des tomates ou là, des oignons ou là, qu'elle a, il dit là, là. Hada dunya ma nourit illa tambre. Astaghfirullah al-azim. Là, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ashiruhunna bil ma'ruf. Et vivez avec elles bil ma'ruf. Le ma'ruf là, ya ikhwan, pour ceux qui ont daras al-usul. Al ma'ruf huna. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de vivre en cohabitation avec nos épouses d'une bonne manière. Al-ma'ruf huna kayf na'rif ma huwa al-ma'ruf? Comment on va savoir c'est quoi le ma'ruf puisque c'est vague? Vivez avec vos épouses d'une bonne manière. C'est vague. C'est quoi qui va le selon ses capacités? La suffisance, c'est vague. C'est al-ada, c'est... Hein? Bil-urf. Bil-urf. C'est-à-dire, vivez en bonne cohabitation avec vos épouses en fonction des mœurs de là où vous, du pays où vous vous trouvez. Tama? Maintenant, tu peux être dans certains pays du monde, le fait de je sais pas moi... De ne pas avoir de frigo, de ne pas avoir de machine à laver, de pas... Ma fille, il n'y a pas de problème. Là, il s'en a qui se casse. Là, quand tu es dans ce genre de pays dans lequel on vit, quand tu as bilat, ça peut te faire de gros problèmes. نعم فلهذا ça va revenir au urf. Si par exemple dans les mœurs du pays, tu vis dans un train de vie qui est comparable aux mœurs du pays, falabas. Tout ce qui va être au-dessus de cela, là, c'est des choses que tu peux réfuter, tu peux réprimander, tu peux agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi. Tamam? Non. Pas d'autres questions, Yerkhwan? S'il y a des questions chez les sœurs, Inch'Allah. Il n'y a pas de questions, Yerkhwan? La salade, là.